L'Intermarché Florent Lachance de Saint-Prime a tout ce qu'il vous faut pour profiter de l'été au maximum. Un département des viandes de qualité supérieure, supervisé par des maîtres bouchers à l'écoute de vos moindres exigences. Des fruits et légumes gorgés de saveurs à des prix compétitifs et un comptoir de mets cuisinés qui charme les palais les plus fins. L'Intermarché Florent Lachance, agent autorisé SAQ, est fier de commanditer la chronique du club de golf Saint-Prime sur le lac Saint-Jean et souhaite une bonne saison à tous. On parlait de golf avec notre ami Rémi Courtenay, c'était la chronique du club de golf de Saint-Prime en fin de semaine. Et salut Rémi. Bonjour Monsieur Rémi. Rémi, en fin de semaine, évidemment, il y avait une compétition à Arvida et je pense à Arvida ou à Kenogami, et les golfeurs du club de golf de Saint-Prime ont bien fait. Encore une fois, au concours régional, première position et deuxième position dans la classe 2A. Ouais. Avec Dave Dumas et Jonathan Lambert. Et dans la classe A, le gagnant de Saint-Prime également, Jean Lamotte. Alors oui, effectivement, très, très bonne représentation encore des joueurs de Saint-Prime au concours régional. OK, OK. Donc ça va super bien pour nos golfeurs de Saint-Prime. Y a-t-il d'autres choses cette semaine? J'ai oublié de te demander ça avant de rentrer en onde. Qu'est-ce que tu avais à dire? Donc, qu'est-ce qu'on peut souligner cette semaine? Ben, en fait, faudrait, je pense, souligner le fait que en fin de semaine, au tournoi provincial du Pékin, au Royal Québec, deux de nos joueurs représenteront la région, encore Dave Dumas et Jonathan Lambert. Donc, le Duke Token, qui est un des plus prestigieux tournois amateurs au Québec. Alors, on a deux dignes représentants de Saint-Prime sur le lac Saint-Jean qui vont être là. OK. Dave Dumas, il y a eu j'avais su entre les branches qu'il y avait eu des petits problèmes de santé. Est-ce que ça va bien dans son cas? Bien, ce que j'ai su, c'est que effectivement, là, ça va mieux, mais je pense que il veut pas trop aborder ça. OK, on n'en parlera pas. Moi non plus, là, j'ai pas trop l'intention de l'aborder, mais oui, c'est quelqu'un qui a eu des problèmes de santé, particulièrement l'année passée. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On surveille aussi en fin de semaine à Saint-Prime. Est-ce qu'il y a des activités? C'est sûr que là, c'est l'été, ça va être très tranquille. Donc, j'imagine qu'il y a un steak golf comme d'habitude. Oui, vendredi, on a une activité, là. Il appelle ça une formule Stableford, c'est-à-dire en fonction des handicaps, on considère 75 % des handicaps. C'est une formule à trois joueurs individuels et on prend deux scores sur trois. Ça, c'est vendredi avec un petit souper en soirée. Là, je pense que ça va être des côtes levées, frites, quelque chose du genre, mais je suis pas sûr. OK. Est-ce que j'ai été accepté finalement du côté... parce que vous, la dernière fois qu'on s'est parlé, il y avait un projet de faire un tournoi. Est-ce que c'est accepté finalement par l'OCA ou t'as pas eu de nouvelles encore? On a une réunion vendredi matin. Je suis supposé d'avoir le prévisionnel, là, le proforma, le budget demain. OK. Alors, ça passe au conseil d'administration vendredi matin. C'est ça qu'on va voir. Là. La semaine prochaine, je devrais avoir davantage de nouvelles pour t'informer si c'est accepté ou pas. Ben, Rémi, ça fait pas mal le tour cette semaine. C'est sûr que ça va être tranquille dans les prochaines semaines en raison, évidemment, que je pense que c'est comme à Delbeau, on laisse la place à des parties journalières. Mais on va se parler pareil quand même mardi, mercredi prochain. Oui, certainement. Puis nous, on invite tous les visiteurs à venir jouer le parcours de Saint-Prime parce que cette année, il est particulièrement beau. Il est même magnifique. Alors, les gens sont les bienvenus. Rémi Courtenay, le président du club de golf de Saint-Prime.